confiance, confiance, beaucoup te mettent en confiance. Ma troisième science à moi, c'est la méfiance. D'après moi, si t'as du bon sens, tu ne peux laisser la chance à quelqu'un d'autre que toi de juger de tes compétences. J'avance, la seule chose qui m'importe, c'est mon existence. Avant tout, je préfère être seul, seul dans mes manigances. La prudence fait de moi l'homme que je suis, pour moi c'est une chance. C'est une tactique technique que j'applique avec aisance, on a voulu me berner. Mes patience, ma vengeance sera brûlante et très intense. La traîtrise sévit dans tous les recoins sous forme de balance. Ils sont jamais taille, fausse racaille, ils méritent sentence, pas de confiance. La vie est intense, il n'y a qu'en enfance que l'innocence fait jouir d'inconscience. Eh gars, s'il y a une chose que je peux dire et que je pense, c'est que je me méfie de l'homme comme je me méfie de sa science. Yo, je navigue sur un champ miné où amis ennemis sont durs à distinguer. Yo, conseil de frère, n'aie confiance en personne. La confiance n'a plus aucun sens pour plus personne. Je navigue sur un champ miné où amis ennemis sont durs à distinguer. Je n'ai jamais entièrement confiance, surtout quand tu vis dans un pays tel que la France. Les boys d'un côté, les mulâtres de l'autre, les bicots en unité et les renois qui se vautrent. Trop de larrons s'introduisent dans mon G.A.N.G. qu'il a décidé d'être leur pire ennemi. C'est comme une épidémie, de quoi ces gens se nourrissent. Ils veulent avoir ma confiance ou que je sois leur nourrice. Malheureusement c'est le reflet de la nature humaine. Les flemmards s'en foutent des fonctionnaires, tapent pour la haine. Toi, tu ne peux pas pleurer à ma place. Il n'y a que moi qui peux savoir ce qui se passe. Plusieurs passent, plusieurs coups fourrés. Un des deux s'est fait pécho, il est en train de morfler. On est loin de penser qu'il va balancer. Tout le monde a confiance à celui qui s'est fait serrer. À toi de distinguer tes vrais amis, tes ennemis. À toi de savoir à qui tu donnes une partie de ta vie. Conseil de frère, n'aie confiance en personne. La confiance n'a plus aucun sens pour personne. Après tant d'épreuves, j'ai appris qu'il fallait faire confiance qu'à soi-même pour éviter les dilemmes. La confiance se gagne, ensuite elle se gâte comme un dealer crate. En dollars ou Dutch mark, mais perd tout en quelques secondes. Je sonne le cœur du monde quand je suis sinon. Je t'invite à éviter cette honte. Une honte qui suit mon peuple depuis un centenaire. Quand pourrions-nous laisser gérer nos affaires par des frères sans ça? Les fois qu'en toi, méfie-toi des sales igos. Trop de faux amigos, joue les boss prêts pour tes pincos. Imagine qu'un jour tes meilleurs potes deviennent riches. Peut-être ont-ils à être riches ou ta situation ils s'en fichent. Il ne faut plus avoir d'amis pour avoir des amis. Vaut mieux rester en famille, cela évite les ennuis. Oui, surtout quand ta femme est belle, cela crée des étincelles. Querelle mystique, juste à côté d'elle. Mais la haute quand t'as pas confiance en hop, cela évite les carottes que les maladies sales tu chauffes. Je navigue sur un champ miné où amis ennemis sont durs à distinguer. Yo, conseil de frère, n'aie confiance en personne. La confiance n'a plus aucun sens pour plus personne. Je navigue sur un champ miné où amis ennemis sont durs à distinguer. Yo, conseil de frère, n'aie confiance en personne. La confiance n'a plus aucun sens pour plus personne. Je navigue sur un champ miné où amis ennemis sont durs à distinguer. Yo, conseil de frère, n'aie confiance en personne. La confiance n'a plus aucun sens pour plus personne. Yo,